Lampa, lampa, lampa des avrons. Lampa, lampa, lampa des avrus. Lampa, lampa, lampa des avrons. Lampa, lampa, lampa des avrons.